as peur d'aimer. Ce que les hommes t'ont dégoûté. Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Combien de fois tes larmes ont coulé. Combien de fois t'as un cœur brisé. Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Quand tu parles, je ressens ta peine. Juste un SMS, pense à SOS. Si t'as besoin d'elle. Tous les jours, j'aimerais te voir, te montrer qu'à mes yeux, tu restes la plus belle. Et pour ça, il me faut du temps, rien à foutre des gens, je suis à toi, ma belle. Oui, je sais, tu te méfies. Je comprends, donc je ferai mon possible. T'auras du réconfort dans mes bras. Je serai ton bouclier. Pourquoi tu as peur d'aimer? Parce que les hommes t'ont dégoûté. Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Combien de fois tes larmes ont coulé? Combien de fois t'as un cœur brisé? Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Assieds-toi, baby, laisse-moi faire. Je fais le nécessaire. Te voir négligé, je vais pas te laisser faire. A ton cœur, j'aimerais lui dire qu'il oublie ce qu'il a subi, c'est du passé. A ton corps, j'aimerais lui dire qu'il y aura du plaisir d'abord à donner. Parle-moi tes envies. Ensemble on va tous les accomplir, yeah. T'auras du réconfort dans mes bras, yeah. Je serai ton bouclier, oh. Et pourquoi tu as peur d'aimer? Parce que les hommes t'ont dégoûté. Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Combien de fois tes larmes ont coulé? Combien de fois t'as un cœur brisé? Tu ne prends plus soin de toi. Laisse-moi te consoler. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Je vais te faire oublier. Ta vie je vais sublimer. Ça prendra une année. Peu importe la durée. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Raconte-moi tes erreurs du passé. Avec moi, on va recoller les pots cassés. Tu pourras tout raconter. Raconte-moi tes erreurs du passé. Ça me fait plaisir de te voir aussi. Merci. T'es mignonne avec la crème de chocolat sur la bouche. On y va? On y va? Oui, on y va.